En Corée, l'école primaire pour orphelins de Sullivan vient d'être inaugurée le 14 courant. À la cérémonie d'ouverture, on prépare Park Tae-do, président du comité du parti pour la province du Fang et du Nord, les officiels intéressés, le personnel enseignant et administratif et les enfants de l'école, les bâtisseurs et autres travailleurs de Sullivan. Grâce à la mesure bienfaitrice du Parti du Travail de Corée, l'excellente école primaire pour orphelins de Sullivan, nouveau centre d'enseignement, permettra aux enfants d'apprendre à souhait sans rien envier au monde pour devenir fiables piliers de la Corée prospère. Les enfants se sont installés le même jour au pensionnat de l'école.